Matthieu chapitre 28. Or, au soir du sabbat, au jour qui devait luire pour le premier de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, et vint, et roula la pierre à côté de l'entrée du sépulcre, et s'assit sur elle. Et son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme de la neige. Et les gardes en furent tellement saisis de frayeur, qu'ils devinrent comme morts. Mais l'ange prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, et voyez le lieu où le Seigneur était couché, et allez-vous-en promptement, et dites à ses disciples, qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée, vous le verrez là, voici, je vous l'ai dit. » Alors elles sortirent promptement du sépulcre, avec crainte et grande joie, et coururent l'annoncer à ses disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici, Jésus se présenta devant elles, et leur dit, « Je vous salue. » Et elles s'approchèrent, et embrassèrent ses pieds, et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point, allez, et dites à mes frères d'aller en Galilée, et qu'ils me verront là. » Or, quand elles furent parties, voici, quelques-uns de la garde vinrent dans la ville, et ils rapportèrent aux principaux sacrificateurs, toutes les choses qui étaient arrivées. Sur quoi les sacrificateurs, s'assemblèrent avec les anciens, et après avoir consulté, ils donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats. En leur disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit, et l'ont dérobé lorsque nous dormions. Et si le gouverneur vient à en entendre parler, nous le lui persuaderons, et nous vous mettrons hors de peine. » Eux donc, ayant pris l'argent, firent ainsi qu'ils avaient été instruits, et ce bruit s'en est répandu parmi les Juifs, jusqu'à aujourd'hui. Mais les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et quand ils l'eurent vu, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus s'approchant, leur parla, en disant, « Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Amen.